On t'a vu avec les garçons. Tu fais la folle dans le maquis. T'es tendu la main. Tu m'as laissé béton. Aujourd'hui tu m'harcèles. Depuis que je passe à la radio. Mais j'ai la monnaie. Je peux aller chez Louis Vuitton. Y'aura pas de Phuket. C'est le menu au McDo. Elle m'a pris pour un gaoula. Moi je cherchais que la moula. Sur le réseau.